Toujours à la même occasion, le Forum allemand anti-impérialiste a présenté le 15 courant dans son home page d'Internet le test intégral des œuvres classiques du président Kim Il-sung, que toute la nation s'unisse pour hâter la réunification du pays et que le Nord et le Sud conjuguent leurs efforts pour ouvrir la voie à la paix et à la réunification du pays, et de l'œuvre classique du général Kim Jong-il, la réunification du pays doit être réalisée en toute indépendance par nous-mêmes Coréens grâce à notre union.